Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Deuxième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان ليوم الدين. أما بعد. نزلنا في الدرس الأول. Toujours dans le premier cours. والآن إن شاء الله سنصوب التمارين التي كانت اليوم. أولا سأسألكما عن الكلمات. Vous interrogez sur le vocabulaire. فالكتاب يغلق. طيب. عندك عبد الرحمن ما معنى إجراءات؟ en français les affaires t'as oublié le mot? Non, j'ai oublié le mot. Les affaires qu'on a réglées. Non. J'ai oublié le mot exact. Formalité. Formalité. التذكرة. التذكرة. Un billet. نعم. ما هو الجمع؟ تذاكر. تذاكر. تذاكر. نعم. جواز السفر. باسبور. نعم. أسبوع. سمان. الجمع؟ أسابيع. نعم. أسابيع. حجز يحجز. ريزيرفي. ريزيرفي. والمصدر هو حجز. كما سيأتي إن شاء الله. تسلم يتسلم recevoir تسلم نعم استخرج يستخرج استخراجا quoi le sens d'origine استخراجا ايوه مصدر c'est recevoir enfin non faire sortir نعم faire sortir extraire كذا voilà le sens voulu c'est faire sortir أكمل يكمل إكمالا سأسافر أيوة سأسافر بعد إكمال الإجراءات نعم أشبه كومبليتي نعم تأشيرة تأشيرة تأشيرة بدون تأشيرة لا تدخل في اليمن تأشيرة الفيزا سبحان الله استلم يستلم استلام recevoir نعم استسلم طيب الحمد لله سمع طيب on va faire on va corriger ce qui était à faire pour aujourd'hui il y avait قلنا le الجيم الجيم هنا تمرين الثاني هكذا جيم بل الباء والجيم الباء والجيم جيم فقط جيم باء والجيم بفعلنا معا ونفعل صمت جيم طيب

Tarjim, traduisez le trois mots. Mahmoud, Mahmoud a rencontré le Mouazaf, l'employé de l'ambassade. Non. Et il a reçu son visa d'entrée. Non. Il a obtenu son visa d'entrée. Non. ثم أما تأشيرة الخروج فقد حصل عليها من وزارة الداخلية. Et quant au visa de sortie, il l'a reçu. تعريف من أخذ. C'est déjà. C'est déjà. Allez voir. قد c'est à plusieurs sens, mais le sens le plus employé c'est حرف تحقيق qui veut dire déjà. تقول قد فعلت كذا, c'est j'ai déjà fait cela. Alors, quant au visa de sortie, il l'a déjà reçu par le ministère de l'Intérieur. Non, merci. Voyez. ثم يقول أولا أجيب عن أسئلة الآتية. Donc, réponds à la question suivante. Wahada yakunu li ghadin. Ça sera pour la maison, car il y a besoin de réfléchir un peu, de relire le texte. Innama sanakra asila hatta yani akun hatta akuna ala yakin akum fahimtum. Pour être sûr que vous avez bien compris les questions. Awalan, hel tasallama Mahmoudun tadhakir al-safar. Est-ce que Mahmoud a reçu les billets du voyage? Thaniyan, ila aina yusafiru Mahmoudun. طيب vers où va voyager Mahmoud? ثالثا هل تسلم رشيد تذاكر السفر؟ Est-ce que Rachid a reçu les billets de voyage? رابعا من اين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ D'où Rachid reçoit les billets de voyage? خامسا هل قرر رشيد الذهاب الى المكتب الملحق؟ Est-ce que Rachid a décidé d'aller au bureau de l'attaché? مكتب c'est bureau. من أين حصل محمود على تأشيرة الدخول؟ D'où est-ce que Mahmoud a obtenu le visa d'entrée? سابعا من أين حصل محمود على تأشيرة الخروج؟ D'où est-ce que Mahmoud a obtenu le visa de sortie? Ça c'est le premier exercice. ثانيا اكتب النص السابق في كراستك. Écris le texte. Ça veut dire qu'on va lire dans ton cahier. C'est-à-dire ce texte-là, là, tu l'as écrit. Ok, ça te fait écrire, alhamdoulilah. Et min ahsantuluk al-hifz, la meilleure façon de retenir une chose, c'est de les écrire. Quand tu vas écrire une chose, elle va rester plus dans ta tête. Bismillah. Thalithan, ajib an asilati al-atiya. Réponds à la question suivante. Maintenant, tu réponds à ces questions-là de toi-même. De toi-même, inshallah. Awalen masmuka. Voilà, ça. ثانيا ما جنسيتك؟ جنسية c'est la nationalité. جنسية c'est la nationalité. ثالثا أين تدرس؟ Où étudies-tu؟ رابعا أين تسكن؟ Où habites-tu؟ خامسا كيف قمت باستخراج تأشيرة الدخول؟ انظر Kaifa, ça c'est un isme stifam qui veut dire Comment non. Kumta, c'est le mardi de Kama Yakumu. A la base, Kama Yakumu, ça veut dire se lever. Mais des fois, il peut t'envoyer pourquoi Kama, c'est à cool. Anna, Shars Yakul, Mathalen, Man, Yafal Gada, qui fait telle chose واحد يقول انا اقوم به واش من اوكيب انا اقوم به je vais le faire je prends en charge la chose طيب تقوم بكذا si tu prends la chose en responsabilité tu t'en occupes بل ايجي كيف قمت باستخراج تاشيره الدخول donc là on dirait plutôt comment tu pris comment tu fais pour faire sortir les visas d'entrée طيب ثالثا كيف قمت باستخراج تأشيرة الخروج؟ Et là, comment tu t'y es pris pour faire sortir les visas de sortie? C'est la même forme. نبدا الاسئله طيب فلي غادي طيب تجيباني عنها صافي بوكو جو دوي اكير سي كما سا انت ان شاء الله في سؤال عندك سؤال عندك سؤال خلاص طيب فنكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين.